puis rapta toute la journée. En studio, en show, en tournée. J'ai pris de la moula au nez, de la beuh conditionnée. J'fais du son pour les faire danser. Et ouais, ma pote, ça charbonne encore. Te laisse pas influencer. Fermez-moi, hâte s'ils veulent être dehors. J'me fais plaisir, j'aime trop tes pensées. J'suis rappa, je lève le rapport. En l'air, j'ai passé les rapports. Tu me parles de lui, j'vois pas le rapport. Ils font les fous, sont là, ils font les grands. T'en bats les couilles, on laisse parler les gens. J'suis avec nous, on fait passer le temps. Belvedere, Benz, t'inquiète pas, c'est le sang. Ils font les fous, sont là, ils font les grands. T'en bats les couilles, on laisse parler les gens. J'suis avec nous, on fait passer le temps. Belvedere, Benz, t'inquiète pas, c'est le sang. Un poteau, tiens ta tête, hâte de faire la tête, sauver ne serait-ce qu'une vie. Comme sauver l'humanité, toujours bien présent, jamais mal accompagné. Chez nous, même la reste, elle a une autre marre au poignet. J'ai mon stage pour gagner, je suis né dans la calier. Elles ont pris l'ascenseur, nous on a pris les saliers. Darwa la con s'est calé, rapport mes carnales. Personne peut nous étaler, je fais vous les caler. Oh, montrez-leur que la street est bouillante, qu'elle est chic, qu'elle est belle et brillante. Je connais ni Molière, ni Chateaubriand. Allez niquer vos mères, je connais que des briques. Ils font les fous, sont là, ils font les grands. T'en bats les couilles, on laisse parler les gens. Je suis avec nous, on fait passer le temps. Belvedere, Benz, t'inquiète pas, c'est le sang. Ils font les fous, sont là, ils font les grands. T'en bats les couilles, on laisse parler les gens. Je suis avec nous, on fait passer le temps. Belvedere, Benz, t'inquiète pas, c'est le sang. Je suis rapta toute la journée, en studio, en show, en tournée. J'ai de la Belgia et de la mienne. De verre au long me l'a ramené. J'suis rapta toute la journée. En studio, en show, en tournée. J'ai de la Belgia et de la mienne. De verre au long me l'a ramené. Au charbon toute la journée. Dans les cocotiers, ta Punta Cana. On craint du ferme comme de grands gourmets. On veut Gucci et Dolce & Gabbana. J'ai pris le RSI, je les fais patiner. J'ai galère la police, je les ai fatigués. Je me lève à 6h, j'évite les condés. J'esquive les descentes, pas dans les